Le groupe Bellucci, votre spécialiste en sanitaire, chauffage, plomberie, partenaire des services des sports de Fly FM, vous offre ce programme. Fly FM présente Top Chrono, le magazine des sports avec Fred et l'équipe des sports. Bonsoir, bienvenue dans Top Chrono Week-end. On est très heureux de vous accueillir. Vous savez que tout au long de cette soirée, nous allons maintenant mettre les petits plats dans les grands, puisque nous allons parler de sport. J'espère que vous avez passé une belle journée. C'est les vacances scolaires. C'est vrai qu'il y a beaucoup de monde qui se promène, qui se balade et qui écoute la radio. Et si vous avez choisi Fly FM, vous avez bien fait, puisqu'on est vraiment au Top Chrono. Et pour savoir si elle est au top, c'est Monique qui est à la technique. Et je peux vous assurer que ce soir, elle doit être motivée. Et bonsoir Monique. Salut Fred, salut l'équipe de Top Chrono. Allez, on espère retrouver dans quelques minutes notre ami Bibi Bougon qui devrait nous rejoindre dans quelques minutes, puisque lui nous parlera, bien sûr, on va y revenir, du championnat de France de cross-country qui va se dérouler le week-end prochain. Et est-ce que les Vaucluseens ont une chance? Nous verrons bien. Tandis que mon acolyte, et qui est toujours avec moi sur les directs quand on se déplace à l'extérieur, c'est mon ami Jean-Yves. Bonsoir Jean-Yves. Bonsoir Fred, bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Et avec nous ce soir, comme au coutumé, puisque c'est les vacances, on a voulu un petit peu s'éloigner, puisque si vous êtes amateur de hockey sur glace, vous avez bien vu la finale de la Coupe de France qui affrontait Grenoble, ça affrontait contre Rouen, c'était du côté de la patinoire, je vais oublier peut-être le nom, peut-être le président d'Avignon va venir à mon secours. L'accord Hôtel Arena à Paris-Bercy. Ah, voilà, Paris-Bercy, et c'est les Loups de Grenoble qui ont battu dans la prolongation l'équipe de Rouen. Est-ce que je me suis trompé, cher président? Non, tout à fait, c'est bien ça. Eh bien oui, le président est avec nous, on va lui souhaiter la bienvenue, puisque nous allons parler, bien sûr, du Hockey Club d'Avignon et des fameux Castors d'Avignon. Merci encore une fois. Ce soir, je suis déjà en vacances, et avec nous Brigitte Auroux. C'est bien ça, je ne me suis pas trompé? Non, c'est ça. Prenez bien le micro parce que vous savez comment vous entendre. Brigitte, on est très heureux de retrouver un petit peu ce club de hockey qu'on suivait il y a quelques années, puisque moi, il y a 9 ans, 10 ans que je fais partie de cette équipe des sports, et je me suis déplacé nombreuses fois à la patinoire d'Avignon. Et depuis cette année, mon cher Jean-Yves, juste avant de voir le sommaire, on s'est déplacé quelques fois à la patinoire. Hein. Écoute, 2-3 fois pour moi. Voilà. Et je fais un petit bonjour à Michel Heim. Voilà. Que c'est lui le détonateur de tout ça. Voilà, on va voir un petit peu le sommaire qui nous attend ce soir. Dans quelques minutes, nous verrons bien sûr en rugby à 15, jouer en fédéral et en série, tous les résultats. En rugby à 13, carton plein pour les clubs vauclusiens, c'est Jean-Yves qui va s'y coller dans quelques minutes. Basketball, National 1, le SAP se déplaçait à Tarbes, le déplacement a mis un coup d'arrêt. Retour dans un instant sur cette soirée. En football, les résultats avec Monsieur Henri, qui n'est pas là, mais GFoot 84 nous fournira bien sûr tous les résultats de football, l'athlétisme, les championnats de France de cross country se préparent. Bibi Bougon nous dira si on peut compter sur un Sirguini pour un podium. Il faut surtout pas en rire. Et bien sûr, le magazine Horizon ce soir ne sera pas là parce que Marie, elle a pris la poudre d'escampette, elle est en vacances. Et bien sûr, le magazine Focus, pendant une heure, nous allons parler du Hockey Club d'Avignon et surtout des Castors d'Avignon, qui renaissent de leurs cendres, et on espère les voir au plus haut niveau dans quelques années. Pourquoi pas revivre ce que j'avais vécu il y a jadis quelques années, quand les Castors d'Avignon jouaient contre Gap pour une montée en National 1. Je peux vous assurer que ça restera dans mes mémoires et j'espère le revivre très prochainement. On est parti pour du rugby à 15. Top Chrono, rugby à 15. Allez, rugby à 15, bien sûr, il y avait la Fédérale 2, il y avait la Poule 4, on va regarder avec Jean-Yves les résultats, un résultat qui nous tape, on va dire, à l'œil carrément, puisque la victoire de hier, Kerkeran, dans cette Poule 4, face à Voiron, 79-0, Jean-Yves, il y a dû y avoir du grabuge. Ouais, ça a dû piquer. Je pense que les joueurs de Voiron se sont tout simplement déplacés qu'avec une équipe ou une équipe et demie, et prendre 80 points en championnat, c'est épais. D'autant plus que Voiron, en plus, c'est pas une équipe qui était particulièrement en difficulté, en fait, puisque 13 matchs, 5 victoires, ils sont 6e, ils avaient... Enfin, voilà, c'est une espèce de truc un petit peu incompréhensible. Il y a peut-être des problèmes à Voiron qu'on ignore, probablement, parce que prendre 80 points, en général, ça démontre un petit malaise. Alors, probablement que les joueurs ont abandonné, que le vestiaire a abandonné le staff. Il n'y a pas d'autre explication. On ne peut pas ne pas marquer, ne serait-ce qu'un mauvais drop, un 3 points ou quelque chose. D'être préjudiciable pour cette équipe, pour la fin du championnat, pour surtout pour le moral, pour retrouver une aisance sur le terrain. Quand on prend 80 points, normalement, ça pique. Alors, si tu as pris 80 points en jouant ton match, effectivement, ça pique. Si tu as pris 80 points en laissant filer, en disant, ben là, ce coup-ci, on va abandonner le truc et advienne que pourra, ça piquera pas plus que ça. Hein, je pense que quand tu prends 80 points, ça peut pas être autre chose que volontaire. Il n'y a pas autant d'écart entre hier, Carquet et Voiron, il n'y a pas 80 points d'écart. Il y a 30, 40 points, peut-être, pas 80. Donc, il y a probablement une explication, on l'aura probablement dans les jours, dans les semaines qui viennent. Je pense honnêtement que les Voironnais ont abandonné le truc pendant le match. Voilà, là, c'est l'explication, et c'est vrai qu'elle est louable parce que on connaît ton aisance dans le rugby à 15. Continuons dans cette poule 4, puisque Saint-Jean-Royan recevait nos amis de Château-Renard. Ils ont gagné 33 à 18. Saint-Jean-Royan qui revient se positionner quatrième dans ce classement général. Et qui risque de... Oui, pourquoi alerte, Jean-Yves ? Juste parce que Saint-Jean-Royan, 12 matchs joués, 34 points. Bédari de Château, 9 du Pape, 12 matchs joués, 34 points. donc alerte, Fred, alerte. Les Bédaridés ne jouaient pas ce week-end pour cause de match à Saint-Étienne qui est forfait pour le restant de la saison. Mais voilà, Saint-Jean-Royan qui est très près de Bédari de Château. Il va falloir surveiller ça de vraiment très près. Hein. C'est un Jean-Royan qui a chopé 4 points de bonus. Encore une fois, Bédari de Château, 9 du Pape, qui n'en a chopé que 2. Et ben voilà, regarde, ils sont juste derrière toi, même le nombre de matchs. On y reviendra sur ce Bédari de Château, 9 du Pape, qui risque d'avoir des semaines douloureuses, puisqu'on va être bientôt à la trêve. Continuons dans cette poule 4. Saint-Raphaël Fréjus qui gagne 31 à 19 face à Tricastin. Là aussi, une belle victoire de cette équipe de Saint-Raphaël Fréjus qui en avait bien besoin pour essayer, pourquoi pas, de se sauver. Ouais, pas très surprenant pour le coup, mais en tout cas, Saint-Raphaël Fréjus qui a fait le job et qui est allé. Qui a battu Tricastin chez eux. On avait vu cette équipe de Tricastin battre la SBC là, il y a 15 jours maintenant. Ces mecs-là ne nous avaient pas impressionnés. Ben voilà, ce résultat-là confirme que cette équipe du Tricastin, ben, c'est loin d'être l'épouvantail, quoi. Et attention, voilà une équipe qui se réveille puisque c'est Nice, hein, qui est allé gagner du côté de Montélimar dans cette poule 4, 39 à 10. Là aussi, c'est un signe fort envoyé encore une fois à l'SBC qui pouvait terminer cinquième de cette poule. Alors là, encore une fois, Fred, alerte rouge là aussi, hein, puisque les Niçois ont 32 points pour 12 matchs. Ils sont juste derrière toi. Voilà, ça va se jouer. Le championnat va se jouer là entre ces 5 clubs. Château-Renard, hier Carquet, Bédaride, Saint-Jean-Royan et Nice. Les autres sont distancés, ils ne reviendront pas. Mais 32, 34 points, il va falloir faire très très très attention. Et surtout, serrer les fesses parce que tu es à l'abri de rien là, avec ce championnat-là. Voilà, on va prendre un petit peu de repos puisqu'on retrouvera ce championnat le 3 mars prochain. Pour la suite de ce championnat et la SBC qui va du côté de Saint-Raphaël-Fréjus, ils sont déjà avertis. Ouais, ils sont plus qu'avertis. Hein. Ils sont plus qu'avertis puisque la SBC qui se déplace à Saint-Raph, Saint-Raph qui vient de se montrer intraitable contre le Tricastin. On sait que historiquement, à chaque reprise, les Bédaridés ont toujours un petit peu de mal à renclencher. Donc il faudrait pas avoir une mauvaise surprise pour la reprise. Allez, on regarde un petit peu le classement. Premier, Château-Renard, 43 points. Deuxième, hier, Kerkeran dans cette poule 4 avec 40 points. Troisième, l'ASBC, Bédari de Châteauneuf-du-Pape avec 34 points. Saint-Jean-Royan, juste derrière, 34 points. Et Nice, 32 points. Ton analyse était exacte puisqu'on peut maintenant ouais, on dire connaît que les tous 5, les matchs vont être difficiles. On connaît les 5, il n'y aura pas de surprise. Non, puisqu'après c'est 24 points. Mais par contre, le risque est grand il va vraiment falloir serrer les boulons, serrer les coudes, serrer les machins. Les recrues qui devaient venir n'arriveront probablement pas. On avait parlé la semaine dernière Bien joué à 13, petit Romain. Ouais, il y a un petit souci avec Martial qui probablement est revenu sur sa décision, me semble-t-il. Et ben voilà, alors il va falloir faire très attention. Allez, on va peut-être. Ouais, on va continuer, bien sûr. On est toujours, vous savez que ce soir, le hockey va avoir une grande place dans cette émission. Et on espère avoir un nouveau invité qui va nous rejoindre dans quelques minutes. Mais restons dans le rugby à 15. Continuons notre analyse dans cette fédérale 3. Cette fois-ci, par contre, en poule 9, les résultats de la 14e journée. Privas recevait Beaurepaire. Ils ont gagné 68-0. Tandis que Berre en a fait autant avec un score un petit peu moindre. 26-18 face aux Angles. Tandis que Emeu recevait Martigues, et Martigues est allé faire, on va dire, le buzz de cette journée de championnat en gagnant 37-15. Et Givors recevait Ronde 15, 20 partout, dos à dos. Et tandis que Avignon-le-Pontet se sauve peut-être en fédéral 3 en battant Ampuy 30-22. Et quand on regarde le classement de cette poule 9, Jean-Yves, on n'est pas surpris par cette équipe du Pontet qui va, tout compte fait, presque, eh bien, on peut le dire ce soir, va s'en sortir. Oui, je pense qu'ils vont s'en sortir, Fred. Encore, on va pas le répéter toutes les semaines. Mais bien sûr, regarde, ils ont 9 points sur 25. Donc, ils ont fait le job, même quand ils ne gagnaient pas en début de saison, où on pensait qu'ils étaient moribonds, machin. Eh ben, ils ont jamais pris de roost, ils ont jamais pris 60 points, et ils ont toujours marqué des points de bonus. Donc, petite victoire, un point de bonus. Petite défaite, un point de bonus. Et puis, au final, ben, regarde. Alors, tu sais qu'il y a eu du changement à la tête de cette équipe 1? Non. Je ne savais pas. Tu ne savais pas. Et bien, ce soir, je l'ai appris. C'est presque un scoop. Les frères Roche ont été remerciés. Nico. Les deux. Et c'est notre ami Jean-Marc Pigeot qui est devenu entraîneur de la Une. Oui, mais ça, c'était un petit peu. Enfin, Jean-Marc était déjà au club et voilà, il avait déjà. Alors, peut-être que Jean-Marc n'est pas très partageur. Donc, il a peut-être voulu avoir les clés du camion pour lui tout seul. Le covoiturage, c'est pas son truc à Jean-Marc Pigeot. Et je suis pas étonné qu'il ait fait un petit. Il a fait du ménage. Un petit bout de ménage. Toujours est-il que dans cette équipe, dans ce championnat, la poule 9, fédérale 3, on retrouve Berre premier avec 59 points. Eux, ils ont perdu un seul match depuis le début de la saison. Martigues, qui est allé gagner contre le dernier, en profite pour là aussi faire le plein et être deuxième avec 59 points. Privas 39 points, Ampuy 35 et les Angles 5e qui ont été défaits ce week-end à Berre. Pardon, je vais avoir du mal ce soir, je pense. Hein? 26-18, ils ont quand même pris. Ils n'ont pas pris, malheureusement. Ils n'étaient pas loin de prendre le point de bonus qui leur aurait permis de repasser à la 4e place. On va le répéter, mais les Angles, une équipe promue, ils font un beau championnat malgré tout. 5e, je pense qu'ils auraient signé dès demain, en début de saison, si on leur avait promis cette place-là au mois de février. Allez, on va sauter à la poule 10, on va regarder les résultats de la 14e journée. Palavas recevait Vallée de Gapot, 35-5. Sifour a trébuché à domicile, passe à Vendre l'Espignan, 23-20, tandis que Cavaillon a confirmé face à Aubagne, 30-25. Et Ex-Université en a fait de même face à La Valette, 20-13. Et tandis que Bastia, sous une pluie de marron, ont perdu 30-19. Ça, c'est de source sûre, messieurs. Alors, la pluie de marron à Bastia, Fred, si tu avais eu la chance d'aller jouer à Bastia, tu ne serais pas étonné. Ils ont changé de stade. Avant, ils jouaient sur un stade qui s'appelait le Cazone. Forteresse imprenable. On y jouait à 13 et à 15 au Cazone. Et il fallait être, sévèrement burné, en étant poli, pour aller y gagner là-bas. Ça s'est un petit peu détendu. Maintenant, on joue sur un terrain qui s'appelle Vol Pajol. C'est un petit peu plus calme. Il y a des barrières, il y a tout ce qu'il faut. À l'époque, au Cazone, c'était très compliqué. On ne pouvait pas gagner. J'ai eu la chance de jouer pour Bastia sur ce terrain-là et contre Bastia, et je peux te garantir que c'était très compliqué. Toujours est-il que l'Île-sur-Sorgue fait le bon coup cette semaine en allant s'imposer à Bastia. Il s'impose, je crois, avec le point de bonus. Exact. Et du coup, ça leur permet d'occuper la troisième place de ce championnat. Ah, ils sont sur le podium de la poule 10, puisque la Valette est premier avec 53 points. Ex-Université, 37 points. Lille-sur-Sorgue à 35. On retrouve Palavas derrière avec 34 points. Et Aubagne pour terminer pour les 5 premiers à 32 points. Légèrement distancé, Cavaillo à 31 points. On va dire qu'ils sont légèrement distancés. Et Vendre l'Espignan à 29 points. On peut dire que les 7 premiers se tiennent presque dans les mouchoirs de poche quand on sait qu'il reste encore 4 matchs. Ouais, et puis c'est relativement dense, Fred, parce que dans la poule 9 de Fédéral 3, le premier a 59 points. Si tu avais 35 points dans cette poule 9, tu es 5e. Là, tu es avec 35 points, tu es 3e. Donc c'est il y a un petit peu de différence, mais ça empêche pas que Lille-sur-Sorgue fait plutôt un beau championnat. Ouais, on est très heureux pour eux. Tiens, on va passer en championnat PACA Honneur. Là aussi, ça n'est passé des choses. Dans cette journée de championnat qui était la 16e, Draguignan recevait Morillon, dos à dos, 10 partout. Tandis que Monteux a disposé de Sisteron, 25-8, avec 2 cartons rouges pour Monteux. Fos-Istres recevait Salon de Provence, ils ont perdu à domicile 32-20, tandis que Saint-Laurentin recevait Monaco 12-12, 19-19. Valréas a subi la foudre d'Uzès chez Uzès, 46-8, tandis que Saint-Saturnin s'est rattrapé à domicile face au Bossé 24-0. On va juste terminer sur les résultats. Monteux qui est premier de ce championnat avec 52 points, suivi par Uzès 51 points. Le bon coup, Saint-Sat qui malgré les sanctions qui touchent ce club, les sanctions qui ont été confirmées en appel, c'est-à-dire 3 matchs à jouer sur terrain neutre, de l'argent, je crois que c'est de l'ordre de 2 000 euros la punition. Enfin, voilà, à mon sens, il y a un véritable acharnement de la part du comité à l'encontre du club de Saint-Sat. Mais ça n'empêche pas que les joueurs de Saint-Saturnin font front, puisque malgré le fait qu'ils soient obligés de jouer un coup à l'extérieur, un coup sur terrain neutre, là en l'occurrence ils ont joué à la plaine sportive de Sorgue, et bien ils s'imposent quand même, ils continuent à leur bonhomme de chemin, et puis ils sont 5e avec 42 points. Et ce soir, le coup de chapeau, c'est à Monteux, parce que Monteux, dès la 20e minute de jeu, 2 cartons rouges sur bagarre générale, bien sûr, que 2 joueurs qui ont été sortis, ils ont joué à 13 contre 15, et à la sortie, ils gagnent face à Sisteron. Ouais. Alors, il y a un petit peu d'écart entre les joueurs de cette équipe de Monteux et l'équipe de Sisteron, Fred. Le résultat n'est pas complètement étonnant, même s'ils ont joué en infériorité numérique. Voilà. Et on sait que... Il y a un joueur qui s'est distingué encore une fois, mais ça on le savait, c'est le petit Sastre qui a marqué un essai de 80 mètres. Ouais, mais le petit Sastre, il n'a rien à faire à Monteux, Fred. Je te l'ai déjà dit l'an dernier, me semble-t-il. Exactement, ce jeune garçon qui a à peine 19 ans et qui déjà fait parler de lui. Tiens, on regarde un petit peu le résultat. Juste, allez, on passe à la pub, Monique, sinon le frigo va être vide. Top chrono, rugby à 15. Allez, on revient un petit peu dans le rugby à 15. On va rester, bien sûr, dans le championnat de Provence. On va sauter en première série, puisque quand même, il y a le RC Sorgue qui joue, hein, le fameux Ron Ouvez, qui jouait face à Digne. Ils ont perdu à Digne 22-10, tandis que Perne, Gignac, Marignane est bien sûr forfait pour Marignane, on va dire, tout au long de cette fin de saison. Perne Mirabeau recevait Tarascon 39-0, et tandis que Gap recevait Orange, un match très très engagé, puisque Gap en est disposé d'Orange que de 12-3. Quand on regarde cette première série, Jean-Yves, là aussi, il y a un écart entre le premier et le second. Ouais, il y a un écart entre le premier et le second, et puis après, il y a aussi un gros écart entre le 5e Vauvert et le 6e Perne. Les Pernois qui sont à la dérive complète, Fred. Il est temps que la saison se termine, là aussi, source interne au club, mais il y a un petit peu le feu à la boutique à Perne, et il est temps que le championnat se termine. Alors on va regarder un petit peu la deuxième série, parce que ce soir on a le temps, hein, on va regarder cette 12e journée. Gardanne recevait Miramas, ils ont gagné 21-17, tandis que Yvonne Marseille recevait Vidour, ils ont fait pareil, 31-12, et Horizon Forcalquier recevait Pandorgon, ils ont trébuché 20-6, tandis que Vaison, le fameux derby face à Bolène, c'est Bolène qui l'a emporté 20-15. Mais quel derby, Jean-Yves. Ça a dû jouer très scientifique. Bolène-Vaison, 20-15, victoire à l'extérieur de Bolène. Je pense que celui-là, on n'aurait pas dû le rater et on l'a raté. Mais la prochaine fois, je ferai attention à mon planning pour être présent. Je ferai, ouais. Absolument. C'est dû être terrible. En troisième et quatrième série, pour en terminer, alors perdent encore une fois, recevez Gemelonze. Ils ont perdu 22 à 10, tandis que Saint-Rémy a atomisé Saint-Andiol 44 à 15. Et Pertuis, ils ont fait rentrer Ils ont gagné face à Montfaucon 55 à 12. Manosque en a fait de même face à Graveson 26 à 12. Et Pont-Saint-Esprit a fait pareil, on va dire, que face à Tarascon 25 à 0. C'est Saint-Rémy qui est premier. Et Pertuis et Pernes sont 7 et 8e. Et les voisins de Montfaucon qui sont avant-dernier, ça doit ronfler là aussi à l'entraînement avec Durand. Top chrono, rugby à 13. Alors, rugby à 13, mon cher Jean-Louis. J'y arrive, Fred. Parce qu'il y avait quand même des belles choses. Nos amis Andrégois, enfin, face à Ferrals, c'est une belle victoire qu'il ne faut pas passer sous silence. Non. Si tu veux commencer par l'élite 2, effectivement, on va commencer par l'élite 2. Il y avait nos deux clubs locaux qui étaient engagés ce week-end. Carpentras qui recevait Bao. Qui s'est imposé au stade de la Roseraie sur le score de 34 à 16. Ça a été un gros match de Carpentras, énorme match de Carpentras. Bao, avant ce week-end, était second. Et les Carpentrassiens, ils ont fait le job. Pour une fois, ils ont réussi à s'imposer sur le terrain de la Roseraie face à un gros, ce qui n'est pas le cas régulièrement. Ça a été une superbe victoire de Carpentras. Les joueurs d'Entraigues se sont imposés face à Ferrals, là aussi sur le score de 26 à 22. Superbe résultat. Ce qui nous donne les Carpentrassiens quatrième au championnat derrière Villefranche d'Aveyron, Lescure et Bao. Alors, il est important de donner le nombre de matchs. Ouais. Carpentras a 23 points pour 12 matchs et Entraigues, par contre, a 19 points. Il se situe sixième pour 10 matchs. Ils ont 2 matchs de retard. C'est plutôt un beau résultat pour les Entraiguois. On espère en tout cas que ça va les maintenir dans ce truc-là. À noter que le dernier match de la saison entre Carpentras et Entraigues sera sûrement épais et risque de compter double parce qu'il y aura une qualification à aller chercher. Alors pourquoi de parler de cette élite 2? Et c'est vrai qu'on a fait bien l'analyse, on va parler de l'élite 1, mais je crois que déjà ce match face au Toulouse Bronco, j'ai eu du mal très tard dans la soirée pour avoir le résultat, mais il me semble qu'il n'y avait pas de résultat, il n'y a pas de match, quoi. Si, il y avait un match, les joueurs du SOA, de mémoire, c'est 38 à 14, me semble-t-il. D'accord. Il n'y a pas eu photo, alors je sais. C'est bien pour ça, quoi. Je sais, bizarrement, je comprends pas pourquoi la Fédé n'a pas communiqué les résultats au journal. Je les connais à peu près, le 13 catalan s'est imposé face à Carcassonne. Exact. Je connais pas le résultat. Lézignan-Palo, Lézignan a atomisé Palo, je crois qu'il y a 80 points. De mémoire. Avignon a battu Toulouse Bronco. Limoux, Saint-Gaudens, j'ai un trou. Je crois que ce match-là n'a pas eu lieu. Et Villeneuve s'est imposé face à Albi sur le score dont je ne me souviens plus. Je suis désolé, Fred. C'est déjà pas mal. Un dernier mot sur la Nationale 1. Le chemin de croix de nos amis cavaillonnés continue, puisqu'ils sont allés encaisser 70 points du côté de Paris-Charenton. Bref, pas grand-chose, quoi. Deux fois rien, en tout cas, c'est un peu compliqué. Si tu veux juste un mot sur le rugby à 13, il y avait le championnat du monde des clubs qui se déroulait en Angleterre ce week-end. Les deux meilleurs clubs anglais de Super League contre les deux meilleurs clubs australiens. Et les Anglais, pour la première fois depuis 15 ans, ont remporté les deux matchs. Wigan a battu le champion en titre Cronulla Sharks. Un match de fou, on a vu un rugby extraordinaire. Et Warrington a battu les Broncos de Brisbane. Alors moi j'ai juste un petit résultat, c'est de la National 1, c'est la poule Est. Ce qui me plaît, c'est Paris-Charenton 13. Ça fera plaisir au président Marc Palanque qui jouait face à Cavaillon. Ils ont gagné 68 chez eux à 18. Le rugby à 13 s'exporte s'importe à Paris. Il y a très longtemps qu'il y a du rugby à 13 à Paris. Très très longtemps. Il y avait à l'époque le Celtic 13. Lorsque j'étais un jeune joueur, Donc oui, il y a très longtemps du coup. On allait jouer à l'époque à Paris-Charenton et à Paris-Châtillon. C'est ouais, là aujourd'hui c'est Charenton, mais il y a eu qui pendant... est premier, ils vont être sûrement absolument. Monter en élite 2. Ça risque d'être compliqué, Fred. Pas d'enflammade, mais en tout cas ils ont, en tout cas ils ont les structures pour monter. Mais après il faut le budget. Le rugby à 13 à Paris, c'est... mais il y a toujours eu pas mal de clubs. Il y a eu pendant longtemps le club de Corbeil aussi, qui était entraîné par un carpentracien, Didier Wally en l'occurrence, qui avait été longtemps entraîneur de Carpentras. Mais oui, à Paris, il y a toujours eu du rugby à 13. On va être très vigilant pour la suite. Top chrono, basket. Allez, on va parler un petit peu de cette nation là, le 1 du SAP Avignon Sorgue, qui nous a, on va dire, habitués à de belles victoires, une série, on va dire, de victoires. Et tout compte fait, on est allé du côté de Tarbes, et cette fois-ci, ben, il fallait bien que ça s'arrête peut-être un jour, mais là, ça s'est arrêté brutalement, on va dire. Ouais, Fred, ça s'est arrêté brutalement, puisque les Avignonnais, enfin les Sorguais, on va dire, les Sorgo-Avignonnais, ont été défaits dans la salle de Tarbes sur le score de 93 à 72. Et ben voilà, c'est pas une très très bonne opération pour les joueurs du SAP, puisque les Sorguais avaient l'occasion de reprendre quelques points d'avance et de faire un petit peu la différence au championnat contre les poursuivants pour la descente, et ça n'a pas été fait. On va donner les résultats de ce championnat. Caen qui s'impose face à Rennes sur le score de 71 à 50. Angers qui atomise le centre fédéral, c'est les cadets de la Fédé, sur le score de 90 à 60. Tarbes qui donc a battu le SAP Avignon Sorgue sur le score de 93 à 72. Chartres-Saint-Vallier 81-72. Vitré-Griès-Offemain 63-77. Les joueurs de Griès sont allés l'emporter à l'extérieur. Andrézieux a battu Lorient dans un match serré 74-69. Chaland a battu Quimper. Là aussi, c'est un gros résultat pour Chaland, puisque les joueurs de Quimper sont seconds au championnat. Il fallait le faire. Ils les ont battus 75 à 72. Rueil a battu Guedvoges sur le score de 90 à 84. Et le leader Choufelouay, l'ex-leader Choufelouay, a été défait dans sa salle face à Orchi sur le score de 69 à 74. Didier ? Oui, que penses-tu là, la lourdeur un peu du score 93-72, considérant que nos Avignonnais, et surtout nos Sorguais, comme tu l'as bien dit, actuellement avec 34 points, auraient pu recoller vraiment avec ce peloton de tête, puisque au niveau des, disons, des points, ça se joue à pas grand-chose. Ça se joue à pas grand-chose, sauf que les Avignonnais ont enchaîné sur le coup 4 défaites, 4 victoires. Une défaite, une nouvelle victoire, une défaite. C'est pas cette défaite-là qui est préjudiciable, c'est toutes celles d'avant, pendant la première partie du championnat. Fou, cette défaite-là à Tarbes, elle était presque prévisible. On va dire, tu te déplaces chez le septième du championnat. Voilà, c'est un petit peu compliqué. Il faut appréhender ce déplacement. C'est un long déplacement. Il faut aller jouer là-bas au fond dans les Pyrénées. Ouais. Le déplacement est pas très agréable. Et puis ben voilà, cette équipe, malgré tout, hein, nous a habitués à faire des gros résultats depuis la reprise, depuis le mois de début janvier. Mais c'est quand même une équipe qui a été presque un petit peu traumatisée, qui a eu des difficultés. Le nouvel entraîneur fait des choses extraordinaires. Un gros boulot, il y a un gros travail de fond qui reprend et qu'il a été recherché et remobilisé ces joueurs à la fois. Mais François Sens a été capable de remobiliser son groupe et de remettre tout le monde dans le bon sens. Mais effectivement, après, il y a des défaites qui ne s'expliquent pas autrement que par le fait d'aller jouer dans une équipe, contre une équipe un peu supérieure. Ça a été le cas. Le problème, c'est que les Sorguais là avaient l'occasion de repasser un peu, de se remettre à l'abri au championnat en allant gagner à Chartres. Ils ne l'ont pas fait. Et ben voilà, ils sont toujours malgré tout 15e du championnat avec 34 points. C'est un peu problématique, mais encore une fois, c'est pas cette défaite de ce week-end qui est perturbante. Ce qui ce qui crée le déséquilibre, c'est les défaites et les points qu'on n'a pas pris en début de championnat. Jean-Yves, est-ce qu'on a regardé un petit peu le résultat? On a regardé les résultats. On était en train de finir avec la Nationale 1. Juste un petit mot sur la Nationale 3 pour dire que les Avignonnais ont été défaits dans leur salle face à Saint-Chamond, la réserve Saint-Chamond, qui est une équipe de Pro B, sur le score de 70 à 91, Fred. La suite. Top chrono, football. Alors football, eh bien, ça va aller très très vite, puisqu'il y avait aussi en football, il y avait la Ligue Méditerranée et il y avait la CFA avec Le Pontet qui s'est déplacé du côté de Nice 2, malheureusement pas de surprise, Nice 2 qui est un petit peu mieux classé que notre équipe pontessienne, et eh bien ils ont gagné 1-0. C'est très mauvais pour la suite du Pontet, puisqu'ils sont bien derniers après 20 journées de championnat. Ils ont 19 points. Quand on regarde et qu'on fait le bilan comptable, 4 victoires, 7 nuls, 9 défaites, ça risque d'être compliqué pour le maintien, puisque les 3 derniers descendent et le 4e est repêché selon les bonus, malus, bonus, qui devraient intervenir avant la fin du championnat. Tandis qu'en Ligue Méditerranée, toujours honneur, il y avait nos amis Pernois qui jouaient face au Salon Bel Air, et bien ça s'est très très mal passé, puisqu'à domicile ils ont perdu 2-0. Et cette équipe de Pernes qui doit à tout prix retrouver un petit peu de valeur, puisqu'ils sont 10e aujourd'hui dans ce classement qui compte 14 équipes. Et le premier, bien sûr, c'est Cannes avec 46 points. Cannes, le leader, qui se déplaçait du côté de hier 2. Il n'y a pas eu de photo puisqu'ils ont gagné 3-0. Et tandis que Ega Ardive, le co-leader, on va dire, se déplacer du côté de Saint-Jean-Beaulieu. Ils ont gagné 2-1. En honneur régional, poule A. Et on lance un petit bonjour à notre ami Henri, tandis que je fais le football pour lui, puisque c'est lui qui aurait dû prendre ma place. Eh bien, en poule B, pardon, de division d'honneur régional, nos amis de Courthézon, si je ne me trompe, jouaient à l'extérieur du côté de la Carquerane, l'accro. Eh bien, j'avais dit dans la minute sportive qu'ils pouvaient faire un résultat à l'extérieur. Ils l'ont fait de partout, ce qui les maintient à la 9e place dans ce championnat qui compte 14 équipes. Le premier, c'est le premier Canton avec 43 points. Deuxième, Carnoux FC avec 42 points. Avec Carquerane Cro, il faut faire le nul devant le troisième de ce classement, puisqu'ils sont à 42 points et nos Courthézonnais ont 33 points. Ils sont à la 9e place. Le bon dernier, c'est Marignane 3 en Ligue Méditerranée féminine. Eh bien, les Montilliennes étaient exemptes dans ce championnat, puisque le sont dans le trio de tête à l'heure actuelle, sont 3e avec 44 points et le leader Nice à 51 points. En district Renaud-Durance, je vais y arriver ce soir, eh bien, il y avait une journée de championnat, c'était bien sûr la 15e journée de championnat, Carpentras qui recevait Nove, 2-0, tandis que Courthézon, Lille-sur-Sorgue, ça n'a pas été communiqué, Nyon se déplaçait, recevait Montfavet, 0-0, et tandis que Pernes 2 se déplaçait du côté de Saint-Rémy 2, ils ont gagné 1-0, c'est Mayan qui est leader dans cette poule, Café le leader à domicile, et bien ils ont face à Boulbon un derby, ils ont fait un match nul, 1-1. Mayenne est leader avec 48 points dans cette poule, deuxième Barbantin avec 42 points. Veden est troisième avec 42 points. On retrouve l'US Avignon à 39 points. Cinquième Montfavet à 39 points. Sixième au Boulbon. Et on s'éloigne un petit peu pour retrouver Carpentras avec 36 points. Lille-sur-Sorgue qui fait son grand retour en PHA cette année. Eh bien, ils sont neuvième avec 32 points. Et puis, bon dernier, Saint-Rémy 2. Et juste avant, eh bien, c'est Pernes 2. Et le lourd, on va dire, apprentissage pour Nyons qui avait été champion en PHB. Ils sont 12e avec 26 points. Et en PHB, poule 1, Monteux se déplaçait du côté de Calavon, 0-0. Et tandis que Jonquière, pour le derby face à Entraigues, ils ont perdu 4-1. Cavaillon est toujours leader avec 49 points. Deuxième, Saint-Didier, 49 points. Troisième, Le Pontet, 3 avec 37 points. On retrouve Jonquière, 6e. Avec 36 points, 4e et 5e Monteux avec 35 points. On s'éloigne un petit peu pour retrouver les Entraigois à la 11e place avec 32 points. Le bon dernier, c'est Rasto avec 25 points. La poule B, deux résultats. Carpentras 2 recevait l'Espérance Sorgaise. Et bien, ils ont gagné l'Espérance Sorgaise 4-2 sur le terrain de Carpentras. Et tandis que Orange, qui caracole en tête dans cette poule, s'est déplacé du côté de Violès. Ils ont fait match nul, un partout. L'Espérance Sorgaise est deuxième avec 42 points. Et bien sûr, le leader incontesté avec 52 points. 14 matchs, 12 victoires, 2 nuls et pas de perdu. C'est bien Orange qui est avec 52 points le leader, tandis que Carpentras 2 est bon dernier. Dans cette page football de PHB Poule B. Et si on passait la pub. Top chrono, athlétisme. Allez, on est reparti avec l'athlétisme avec Didier Bougon. Alors, oui, Bibi Bougon qui vient d'arriver. On va parler de ce championnat de France de cross-country qui va se dérouler le week-end prochain. Didier, est-ce qu'on peut espérer que notre ami Serghini peut nous emmener au podium? Alors oui, mais il va falloir que je lui rappelle qu'il n'oublie pas son short pour courir. Alors, on avait dit ce soir. Voilà. On va recommencer avec une polémique qui a été longuement commentée sur cette antenne et qui a été reprise par nos amis de la presse. Quand un coureur oublie un dossard, puisqu'il est de notoriété, eh bien, tout compte fait le dossard apparaît à l'arrivée. Je te l'ai dit, un jour, il viendra dans nos studios, on connaîtra mieux les tenants et les aboutissants histoire. J'ai eu Eric Fagot qui sera là la semaine prochaine pour nous parler donc de ce championnat de France et surtout au niveau de son poulain, hein, qui est Romain Legendre, qui est un cadet 2, qui a fait deuxième aux Inter. Il se fait battre au sprint. Après, on va voir s'il réalise la performance le jour J de ce championnat de France pour ce cadet 2 qui vise une place dans les 5 premiers, tout en sachant qu'à Saint-Galmier, c'est tout l'un ou tout l'autre. Vu que c'est la semaine prochaine, ça sera fin février, là-haut au-dessus de, disons, de Saint-Etienne. Est-ce que le parcours sera un terrain de labour ou un parcours rapide pour favoriser certains pistards? Je ne sais pas. On verra bien. Moi, j'y serai. En tout cas, je vous donnerai le maximum des infos. Délégation vauclusienne, c'est 28 athlètes de tout club confondu. C'est vrai que le CSMA, c'est la plus grosse délégation avec 9 athlètes, mais elle est suivie de peu par le club de l'APA Avignon, le Pontet Athlétisme, avec 8 athlètes. Ensuite, ce parcours conviendra-t-il? Je ne sais pas. On verra en fonction du temps. Mais le cross, c'est le cross. Et moi, j'ai retrouvé dans mes archives certaines photos de cross. Et ça sera aux athlètes d'avoir le mordant et d'y aller et jouer la carte à fond selon la motivation. Quand on va en France, on sait très bien qu'on peut s'attendre à tout. On connaît le niveau du championnat de France. Est-ce que, on va dire, la région PACA est bien représentée? On connaît le club de Sainte-Marguerite qui risque d'être dans les... Ils ont toujours une équipe. Ils ont été champions de France déjà. Chez les femmes, chez les hommes un peu moins, mais chez les femmes, bon, ils ont pu créer cette donnée qui est revenue à ses premiers amours puisqu'elle est sartoise. Donc il y a un gros club là-haut dans la Sarthe où, en reprenant tout l'environnement au niveau des clubs, ils ont formé une grosse association qui est très compétitive, sachant que Christelle Donnet est en fin de carrière à 40 ans. Donc voilà, l'ASCO a des cartes à jouer, surtout chez les femmes. Chez les hommes, ça sera plus des individualités. Mais actuellement, il y a maintenant un travail de fond qui se fait au niveau des jeunes dans les quartiers de Marseille, ainsi qu'avec l'OM Athlétisme. Mais ça sera plus l'ASCO qui sera en point de mire pour viser des places d'honneur et pourquoi pas des podiums. Tu penses que cette année, l'ASCO Marguerite ne sera pas... Parmi les... Il n'y a que chez les femmes, les podiums. Chez les hommes, il y a possibilité, mais le niveau est quand même très relevé. Et les clubs au niveau de l'Île-de-France, et entre les clubs bretons et du Nord, ça peut faire mal. Hein. Ouais, tu penses que c'est toujours une place forte? Alors, on sait que le Nord, dans les cross-country, a toujours été, on va dire, au-dessus du lot. Hein. On a eu quelques champions qui sont nés, comme Thierry Pantet, qui a tiré... son épingle du jeu, qui était un sudiste, mais bien souvent, c'est vrai que c'est... Après, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que maintenant, avec le regroupement de certaines régions, nous n'avons plus la région Languedoc-Roussillon chez nous. Ils sont dans la région du côté de la Gironde, ils sont regroupés ce côté-là. Il peut y avoir aussi des surprises du côté entre Valais et certaines personnes de clubs qui sont dans cette région. Hein. Donc, je n'ai pas vu tous les résultats de tous ces interrégionaux. Mais à mon avis, il faudra s'attendre à une surprise. Tout dépend de l'état du terrain. Je l'avais vu l'année dernière au Mans où il y a eu de très belles surprises. Donc, ce qu'il ne faut pas oublier aussi, c'est les athlètes de la région Rhône-Alpes aussi. Il y a au moins un, voire deux, trois athlètes qui peuvent être là pour tenter un podium, hein, ce qui n'est pas négligeable avec une qualification pour le championnat. Alors, je te pose une question, oui. Didier. Le Vaucluse, on sait que, bien sûr, on est très argenté au niveau de l'athlétisme. Ah, tout à fait. Pour le déplacement, voit, hein. Comment ça va se dérouler? Est-ce qu'aujourd'hui, tous les clubs, on va dire, s'organisent entre eux pour pouvoir faire ce déplacement qui est quand même coûteux, puisqu'on est près, combien, à 800 km par rapport ici? Non, pour aller à Saint-Galmier, non, ça c'est un rapport de minibus 3h30. 300, ça va aller. Donc pas la peine de demander à l'aéroport d'Avignon d'affréter un Boeing, hein. Il n'y en a que 28, donc minibus. Il ne faut pas confondre, mon cher ami. Je sais que pour vous, vous êtes allé souvent en Russie pour détecter. Je suis même allé athlètes. aux France par Marignane, à l'époque où le club du Pontet me détachait. Bon, j'avais l'avion, on était une délégation de 20 athlètes, c'était par avion. Maintenant, ça se voit très peu. Bon, je sais que l'OM Athlétisme part en minibus, hein. Ensuite, je n'ai pas encore demandé à la délégation des pays de l'Est de m'envoyer un avion. Je veux dire, soyons plus sérieux, parce que tu me fais peur quand tu me dis ça. L'OM part en minibus, pourquoi vous partez à pied, vous? Il y a un minibus qui est. C'est moi le conducteur, hein, tu vois, également pour le CSMA. Il y a une assurance spéciale qui a été prévue. Bah, il paraît, je vais falloir que je tire, savoir où aller. Au moins, ils auront une excuse pour ne pas être arrivé premier. Voilà. Vous êtes gentil de penser à moi, je vois que ça, c'est vraiment très touchant de votre part. Mais tu nous connais, on est très aimables d'habitude. Revenons sur ce championnat de France, juste après, est-ce qu'on a des chances de retrouver nos petits Français au championnat d'Europe ou du monde? Oui, il y a des possibilités, hein. On a quand même des gens. Je vois que là, dernièrement, il y a un athlète corse qui, au championnat de France, nous avons eu les championnats de France de. Ce qu'il faut savoir, nous avons eu les championnats de France dernièrement, là, ce week-end, en salle, en indoor ou sur 5000. Un des meilleurs Français a établi une grosse perf sur 5000. Mourad El Moumouni qui est à Bastia avec 13-10 en salle sur un anneau de 200 mètres, c'est costaud. Ensuite, est-ce qu'il fera les France de Cross? Je ne sais pas. L'année dernière, je l'avais vu, il avait fait que 3 ou 4 alors qu'il était parti en tête. Mais là, sa perf, normalement, le qualifie pour les Europes en indoor. Donc peut-être il fera l'impasse sur le cross pour aller en indoor et représenter l'équipe de France au championnat d'Europe en indoor. Voilà, Bruno Lanivini ne sera pas représenté, il est blessé actuellement. D'accord. Est-ce qu'on pourrait revenir légèrement sur le cross? Est-ce que le cross est toujours en pénurie de concurrents? Ça dépend des départements. C'est vrai que le championnat de France, c'est l'apothéose. Quand on voit ces milliers d'athlètes en partant des Calais jusqu'aux vétérans. Est-ce que ça ne t'attriste pas? Je te coupe encore une fois, et c'est très mal poli de ma part. Non, pas du tout. Je suis obligé de me couper. Est-ce qu'on a toujours quand même ces clubs qui sont représentés par des Kenyans, par des coureurs venus d'ailleurs? Et le pauvre titré champion de France finit des fois 8e, 7e, 10e. Oui, mais c'est la loi du sport, puisqu'on le voit bien aussi bien en football et dans d'autres sports où il y a de la compétition au sein de certains clubs et les athlètes étaient à la cam au niveau du football. Là, il y aura toujours des Kenyans et tout qui seront devant. Bon, c'est les locomotives et ça permet des fois un peu à nos athlètes d'une remise en question. Après, il y en aura toujours deux ou trois, mais l'année dernière, je vois que le premier Français avait fait deuxième, donc il avait tiré son épingle du jeu. Il n'y avait qu'un athlète étranger devant lui. Didier, juste pour qu'on soit complet sur l'athlétisme, est-ce qu'il y avait des courses dans la région? Non. Là, j'ai eu, comment il s'appelle, Pascal Terran, qui est le président des courses hors stade. Ça sera la semaine prochaine et dans 15 jours, il y aura une course ou deux dans le département. Voilà. Voilà, merci Didier, je crois qu'on a été complet. Oui. On se retrouvera la semaine prochaine. N'oublie pas, Eric Fagot sera Eric avec Fagot, nous. Le président de la CSEC Carpentras qui sera là. Il nous dira, est-ce qu'il y aura un nouveau Didier Bougon qui est né, peut-être? Peut-être, avec son jeune cadet qui est promis à de belles aventures au niveau des France de Cross et puis aussi à son avenir au niveau Pistard. Hein. Voilà comment quoi notre commentateur est toujours très très simple et humble. Juste merci beaucoup à vous. Juste Fred, juste pour tirer notre chapeau à quelqu'un qu'on connaît bien ici à la radio qui a fait le 18 km du trail urbain de Nîmes. Ah, notre ami Monique. Oui. Monique, on te chapeau, félicite. Monique. Alors, dis-nous un petit peu ton ressenti de ces 18 km, puisqu'on parlait que de course nationale, bon, on va parler un petit peu régional, puisqu'il y avait à Nîmes ces 18 km, comment ça s'est passé? Bah écoute, c'était un superbe parcours sur Nîmes, ça nous a permis de découvrir des ruelles magnifiques de Nîmes, on est passé dans les arènes, voilà, très cassant, très dur, parce qu'il y a beaucoup de marges d'escalier, Voilà. Mais c'est terminé, messieurs. C'est un phénomène de mode maintenant. Alors, juste pour vous dire, pour en terminer, pour être le plus complet, puisque maintenant on va démarrer notre magazine Le Focus dans quelques secondes, vous retrouverez bien sûr le magazine Horizon avec tous les rendez-vous avec la chère Marie qui a pris un petit peu de repos en ces fêtes de février. Et bien, on espère la retrouver dès lundi prochain. Ce soir, c'est bien sûr Focus. On va ouvrir le grand dossier du hockey sur glace en Avignon. Les Castors d'Avignon, jadis, il y a quelques années, nous avaient fait vibrer en National 1. On avait même eu peur qu'ils rejoignent la ligne Magnus. Eh bien non, tout compte fait, ce club est descendu. On a eu très peur, mais il y en a eu beaucoup de gens très amoureux du hockey qui ont repris, on va dire, les rênes. Et aujourd'hui, encore une fois, le public commence à s'amasser dans la patinoire d'Avignon. Et les Castors sont toujours là et bien vivants, puisqu'il y a des U15, il y a des U13, il y a des U17. J'ai même vu des équipes élites, on va le voir avec le président qui est avec nous. Bonsoir président, merci d'être venu, c'est monsieur Laurent Bonnet, bonsoir. Laurent, on l'appellera Laurent ce soir, Bonnet. À côté, on a Brigitte, on va demander à notre ami Didier Bougon juste de s'écarter, puisqu'il va venir Michel Heyman au côté. On te vire, Didier, allez, casse-toi. Je suis pas de taille avec, disons, ce sport. Hein. Bonsoir, encore une fois, puisque maintenant on va avoir pour nous à peu près 40 minutes pour parler que du hockey. Vous n'avez jamais rien lâché, vous, au hockey, Brigitte, hein? J'ai jamais joué au hockey. Non, mais surtout être... Ah non, je ne lâche rien. Voilà. Vous êtes une des chevilles ouvrières. Est-ce que je me trompe, Laurent, président? Ah oui. Je ne me trompe pas. Ah non, pas du tout. Je crois que quand je l'ai eu tout à l'heure au téléphone, il y a quelques jours, en off, je peux vous assurer que j'ai trouvé une personne qui était partante pour tout, pour faire vivre le hockey, pour parler du hockey. On va avoir Michel Heim, qui va venir à côté de nous, Michel, parce que lui aussi fait partie un petit peu de ses chevilles ouvrières, ancien joueur de hockey des Castors d'Avignon, hein, parce que presque il faudrait peut-être pas trop le tenter pour qu'il remette, on va dire, les patins qui se retrouvent sur la glace aux côtés de ces jeunes joueurs. Michel, bonsoir Michel, comment tu vas? Bonsoir, merci. Ce soir, parce que Michel, qui c'est qui prend un petit peu la parole? Peut-être Brigitte ou le président Laurent. Michel est quoi? Il fait partie des meubles, non? Ben, il fait des partie murs. De la famille. Il fait partie des murs. Brigitte va plus vite, elle dit fait partie des murs. Ça va beaucoup plus vite. C'est vrai, hein, c'est bien quoi, d'avoir des anciens joueurs comme ça qui sont à fond dans ce club. D'avoir repris ce club juste après la disparition de l'ancien président. Et que j'ai oublié son nom, il va vite me revenir parce que j'oublie toujours son nom. Monsieur Brugier. Oui, Monsieur Brugier, François Brugier. Ça a été compliqué ou non ça... Parce qu'on sait qu'il y avait un passif qui était assez lourd, quoi. Bah déjà, François Brugier n'a pas disparu, il est toujours là, il vient au match, il n'y a pas de souci. Non, mais en tant qu'un président, je veux dire. Oui, tout à fait. On n'a pas eu le temps de réfléchir de toute façon, puisqu'il y a eu un dépôt de bilan hein, du club, effectivement, en juin 2011 maintenant. Et on ne s'est pas posé trop de questions, il ne fallait pas laisser tous ces jeunes sur le carreau. Et donc, si on avait réfléchi un petit peu plus, je ne sais pas. Je ne sais pas si on y serait allé aussi rapidement que ça. Mais non, on n'a pas eu le temps de réfléchir, on est parti et puis voilà. Michel, toi qui as le regard averti de hockeyeur, aujourd'hui, ces jeunes se livrent à fond. Et c'est de porter haut les couleurs, on sait que c'est compliqué, il y a un des deux. Mais pour toi? Moi, je trouve qu'ils se débrouillent pas si mal que ça, compte tenu des équipes qu'ils rencontrent, qu'ils ont énormément de joueurs qui viennent de l'extérieur, qui sont d'origine canadienne, pays de l'Est, etc. Je trouve qu'Avignon, avec le peu de renforts qu'ils ont, on peut leur tirer quand même le chapeau et leur dire merci... Juste avant de venir avec Brigitte, on va rester avec Jean-Yves. Jean-Yves, c'est vrai qu'il reste un gardien de notoriété quand même à Avignon, même s'il nous a dit que c'est peut-être sa dernière saison. Ouais. Et c'est un gardien qui pouvait jouer largement au niveau supérieur. Il y a un très bon gardien et quelquefois, notamment la saison dernière, on l'avait vu faire des miracles. Et même cette année, il participe beaucoup au fait que la saison ne soit pas encore plus délicate. Moi, ce que je voudrais... saluer avec la présence des dirigeants des Castors, c'est qu'il y a quelques années, quand ils sont repartis avec simplement une école de hockey. Et ils ont reconstruit, ils sont repartis, ils ont remis des bases, ils ont remis ce qu'on aime en fait, hein, au lieu d'aller chercher des mecs à droite à gauche et de leur faire des promesses intenables, et bien ils sont repartis avec une école de hockey. Ça a duré le temps que ça a duré, ça a pris surtout le temps que ça devait prendre. Et puis aujourd'hui, on voit des mecs évoluer en équipe 1 qui était probablement là au moment de la reprise, au moment de, où l'école de hockey est repartie. Et juste pour ça, je voudrais tirer un coup de chapeau aux dirigeants qui sont là ce soir, parce que ils ont pas choisi la solution de facilité, ils ont choisi une solution, au contraire, une solution qui était un peu plus compliquée, un chemin un peu plus escarté, mais probablement un peu plus pérenne aussi. Mais je crois que la place du hockey dans Avignon, elle a une histoire. Elle a largement, dans ce paysage sportif, une grande place. Et nous, on aimerait un jour ou l'autre, pourquoi pas, voir ce club de hockey vibrer, pourquoi pas avoir une patinoire. C'est vrai qu'on se met des fois à rêver. Michel, qui est à mes côtés, Michel Haïm m'a amené me faire connaître la ligne Magnus, m'a fait connaître la patinoire de Gap. Quand on rentre, qu'on voit tous ces drapeaux et qu'on s'imagine qu'Avignon a joué face à cette équipe de Gap il y a quelques années en arrière, des fois on se met un petit peu à rêver, je crois, Brigitte, non ? Oui, non. Oui, non, oui, oui, oui, non. Oui, non, parce que ce qu'on a aujourd'hui, on l'a. Ouais. D'accord ? Il y a des patinoires qui sont plus abîmées que la nôtre, plus vieilles. Nous, on a le cœur. Ici, à Avignon, on a le cœur, on a la chaleur, on a le soleil. Voilà, il y a d'autres patinoires qui ont peut-être un bel outil, mais ils n'ont pas tout ça. Oui, voilà. Parce que quand même, on a quand même beaucoup de licenciés. Peut-être on va revenir avec Laurent, le président. Aujourd'hui, combien de licenciés dans ce club ? Aujourd'hui, on frôle les 300 licenciés, ce qui n'est jamais arrivé et tout. Et c'est surtout qu'on continue à progresser, alors que la plupart des sports patinent un petit peu parce que ça devient compliqué, économiquement parlant, faut pas se le cacher, pour toutes les familles. Et nous, on continue à progresser. Donc c'est bien qu'il s'est créé quelque chose au niveau de l'école de hockey, puisque au jour d'aujourd'hui, on a énormément de jeunes, plus de 60 enfants, effectivement, de moins de 7 ans. C'est énorme. Ah oui. Et c'est surtout magnifique à voir. Alors comment on articule tous ces jeunes ? Michel, tu as pris une équipe en charge ? Non, pas du tout. Tu restes toi plutôt. Pas encore. Ah, pas encore. Aïe, aïe, aïe. Ce soir, il va y avoir des révélations. Non, Michel ? Non, moi j'ai arrêté le hockey en 84, j'ai repris en 2014. J'aurais aimé reprendre bien avant, parce que le hockey sur glace, c'est un sport qui est très intéressant. Tout le monde sait marcher, courir, tout le monde n'arrive pas à patiner comme il faut. Il faut rendre hommage à ces gens qui arrivent à patiner et avec une crosse à faire des merveilles, tout en prenant des coups. Et parce que le sport au hockey sur glace, c'est quand même un sport viril, pas violent, ouais. Viril. Et c'est pour ça qu'ils ont des protections. Donc il faut se rendre hommage à ces gens qui arrivent à tenir debout malgré les charges qu'ils prennent et à récupérer le palais. Donc c'est un sport qui est collectif, à qui on demande après de progresser. On voit les U17 qui ont des résultats qui sont quand même spectaculaires par rapport à notre région. Et je dis que là, il y a une belle relève pour le hockey avignonnais, avec les U15 et les U17 et au-dessus. Je dis qu'on peut leur faire un grand bravo à tous ces jeunes qui sont là pour s'entraîner et qui s'appliquent à chaque match, à chaque entraînement. Oui, on va rester sur ces jeunes, on va rester sur cette école. Comment on peut aujourd'hui, parce que quand même c'est une patinoire privée, articuler pour trouver des temps, pour pouvoir faire des entraînements, pour faire des matchs entre la U, non, ils viennent de dire les U17, je vois marquer U13 ou U11, il y a eu des stages de vacances là, qui se sont déroulés, où c'est qu'on a un petit peu mis, on va dire, toutes les catégories ensemble pour avoir du temps sur cette patinoire. Est-ce que ça aussi, c'est compliqué pour le docteur, le président ? Ah, c'est vrai que c'est pas évident, hein. Chaque année on se creuse un petit peu la tête parce que les créneaux horaires sont pas forcément idéaux, mais on essaye de faire avec de toute façon. On y met, comme le disait Brigitte tout à l'heure, beaucoup de cœur. On a la chance d'avoir une équipe technique sportive qui est excellente, donc ça joue pour beaucoup. Voilà, tous les jours on se bat, c'est pas évident, hein, financièrement parlant, on va pas se le cacher, mais on se bat. On va juste faire une parenthèse sur ce bilan un petit peu financier qui doit être assez lourd, puisque la patinoire est louée. Ça aussi, ça empiète sur le bon déroulement du club, parce qu'il y a ces frais de glace. Mais ça fait plus qu'empiéter. Ouais, c'est, ça plombe. Ça plombe complètement. Faut pas se le cacher. Hein. Alors c'est pas une critique. Hein. C'est juste un constat. C'est juste un constat. Et puis en plus c'est une nécessité pour vous malheureusement pour patiner si vous voulez que le club continue. Quoi. Au jour d'aujourd'hui, pour toutes les catégories confondues, on en a pour 143 000 euros de location de glace à l'année. Énorme. Ça vous parle, non? Ça me parle d'autant plus que j'ai déjà relevé ce problème à maintes reprises à ce micro. Juste pour dire, ce qu'ils viennent, on rebondit sur rien que les frais qu'ils ont. Eh bien, 542 000, c'est un club de PHA qui joue en première, on va dire, en division. Le budget total de. Endurance. Le budget total de. Deux fois, même. Des castors, c'est quoi? Le budget total, c'est plus de 300 000 euros au jour d'aujourd'hui. C'est beaucoup. Dont 145 attribués simplement. Voilà. Division pas... régionale pour le football, c'est 300 000 euros. 300 000 euros, c'est un club de fédéral 2 en rugby à 15. C'est le national 3 en basket. Ouais, c'est pas mal. Ce que je veux dire par là, c'est que cet état de fait, même si on va pas en parler négativement, parce que voilà, c'est comme ça, et tu peux en parler pendant 3 heures, ça changera pas grand chose, malheureusement. Mais. Le simple fait d'être obligé de louer la glace sur laquelle, imagine n'importe quel club de foot qui serait obligé de louer son terrain à hauteur de 150 000 euros par an. Ça serait juste invivable. Le club de la SBC que toi et moi connaissons par cœur, 300 000 euros de budget, ben, si tu attribues 150 000 euros à la location simplement des gradins et du prêt, eh ben, ta saison elle est flinguée, c'est pas la peine. Et ils partent tous les ans, ces braves gens des castors. Et encore une fois, c'est pas une révélation parce que j'ai déjà relevé ce problème à ce micro, mais tous les ans tu pars et c'est comme si tu traînais un poids énorme derrière toi, et en commençant ta course en début de saison, tu sais que ta course tu pourras pas la accélérer parce que tu trimbales ce truc là et même si les dirigeants font un boulot monstrueux d'aller chercher le budget dont ils ont besoin, eh bien, peut-être que si ils pouvaient aller chercher 300 000 euros et consacrer 300 000 euros aux sportifs, eh bien voilà. Alors, non, mais c'est plus du tout la même chose, hein, ça bien, c'est clair. Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on râle, c'est vrai qu'on parle du sport d'Avignon, on a reçu Yémonier, qui était l'adjoint au sport, était ici. Bon, apparemment, ça s'est très mal passé avec Madame L, la maire d'Avignon. Apparemment, il a laissé tomber son poste parce qu'il était venu sur un projet qui devait dépasser les 4 ou 5 millions d'euros sur un nouveau complexe sportif où c'est que ça devait naître du côté, si je ne me trompe, de la Souvine, sur les terrains de la Souvine. C'était un projet qui était un petit peu en off. Et malheureusement, eh bien, ça, on ne verra pas le jour. Nous aussi, on était très heureux puisque bon, c'est un complexe sportif qui devait être polyvalent. Pourquoi pas y mettre une patinoire dedans. C'était. C'est quoi voilà. Aujourd'hui la solution pour les castors au-delà... Demain, vous avez encore 100 jeunes qui viennent. Parce qu'aujourd'hui, la médiatisation va faire beaucoup à ce sport. Hein. Excusez-moi, Jean-Yves. Les championnats du monde qui arrivent voilà. Le dans problème, les semaines c'est que, qui viennent, là, me semble-t-il, dans les mois qui viennent. Il y a eu un super match sur l'équipe 21, samedi soir, si je ne me trompe, avec Cap qui jouait. Dimanche après-midi, on a eu la finale de la Coupe. Mais malheureusement... de Coupe de France. Le problème, c'est que cette vitrine commence à monter. Ce sport est de plus en plus développé. Moi, qui est Canal Plus, hier, je regardais New York face à Californie. J'allais dire au-delà de ça. Match, au-delà de ça, parce que le hockey, ça me plaît. Et bien, tout compte fait, c'est un engouement. Les gens regardent, les enfants, tiens, essayer de se renseigner. Où c'est qu'on peut faire du hockey? Ben, on peut en faire Avignon. Malheureusement, on peut en faire qu'à Avignon pour le département. À un moment, ça va coincer, quoi. Si, bon, c'est vrai qu'on peut-être vous limiter. Vous dites tout compte fait, on va augmenter peut-être les licences pour éviter d'avoir cet afflux de personnes. C'est un problème comptable. Mais en fait, on solutionne le problème. Enfin, on solutionne. On tente de solutionner parce que on n'y arrive pas de toute façon. Mais on essaye de compenser avec l'augmentation du nombre de licenciés qu'on a chaque année. Parce que quand on a repris le club en 2011, on était à 87 licenciés pour repartir. On a fait que augmenter chaque année le nombre de licenciés. On en a cherché chez les jeunes parce qu'on sait que c'est là où ça il y a de la pérennité et pour plusieurs années. Donc on a énormément travaillé là-dessus, peut-être au détriment d'autres choses, mais de toute façon on n'avait pas le choix. On se disait que si on n'augmentait pas le nombre de nos licenciés, de toute façon on était mort très très très rapidement. Et comme en plus le coût horaire de la patinoire n'a fait que augmenter, quand on est parti en 2011, le prix de l'heure de glace était à 145 euros, d'accord, il est passé au jour d'aujourd'hui à 185 euros. C'est pas possible. C'est alors que notre subvention, on n'a pas bougé d'un poil. Donc encore une fois, c'est pas pour critiquer, mais moi je dis souvent à n'importe quel autre sport comme et c'est, encore une fois, c'est pas pour critiquer, mais le SOA, la VB, tout ça. Si on leur disait au jour d'aujourd'hui, on vous donne votre salle de sport, votre terrain, et après vous vous débrouillez. Quand on parle de subvention de fonctionnement, nous, c'est pas du fonctionnement, puisque la subvention ne paye même pas la location de la glace. Dites-moi, les bénévoles, comme Michel, tout ça, ils sont pas rémunérés, vous non plus? Malheureux, personne. Ils aimeraient pouvoir se salarier. On le fait par passion. Donc, bien sûr. Ici, on cherche pas après ça. Au contraire. T'es rémunéré à la radio, Fred? Non, pas du tout. Donc, on court pas après ça du tout. Mais c'est vrai que des fois, j'imagine que c'est très lourd. Encore une fois, ce problème-là, moi, je le connaissais et je suis venu à maintes reprises à la patinoire, même interviewer les joueurs à la fin du match et les entraîneurs, etc. Et à chaque fois, il n'y a pas un lundi où j'ai pas évoqué ce problème-là parce que ce problème-là, pour le sportif que je suis et même au-delà de ça, le dirigeant que je suis, c'est un problème juste. Insurmontable et sûrement que ça doit être en plus très frustrant parce que d'aller chercher encore une fois 300 000 euros en début de saison, déjà c'est compliqué par les temps qui courent, mais en aller chercher 300 000 euros en se disant mais tiens, il y en a 150 que de toute façon on ne pourra pas utiliser parce que c'est le tarif, et ben j'imagine que ça, enfin, il doit falloir être pas motivé, surmotivé. Et puis en plus, on a lutté contre autre chose parce que en plus, on a été obligé d'augmenter le montant des licences et c'est pas simple quoi. Par rapport à des passionnés qui sont au club depuis des années et qui se disent mince, on nous demande d'augmenter un petit peu plus notre participation et tout ça. C'est compliqué quand on a des joueurs qui payent une licence à 560 euros, c'est beaucoup et ça limite même, ça limite pas tromper, c'est pas 5-6, ça limite forcément c'est vrai que c'est très compliqué. Alors on a des passionnés, une fois que la rentrée est passée, ben c'est vrai que le côté financier est un peu occulté, mais c'est vrai qu'au départ, quand il faut annoncer malheureusement que si on veut pas fermer le club à la fin de la saison, ben il faut passer par là, non seulement continuer à recruter des jeunes et tout ça, mais en plus qu'on est obligé de toucher au porte-monnaie des parents, même le sport études, on a été obligé de demander une participation cette année aux parents. Donc quand on a cumule la cotisation plus après le sport études et tout, c'est vrai que ça commence à faire des sommes importantes. Et le problème aujourd'hui, c'est que donc on fait payer une licence qui est chère, ensuite on demande aux parents de participer, de nous aider, bien sûr, comme tous les clubs, oui, sauf que aujourd'hui au tarif où nous sommes, d'accord, on a de moins en moins de bénévoles. Et là, ça pose un gros problème. Alors ça, c'est un problème national, je crois, aujourd'hui. Au-delà du fait que, de manière générale, il y a moins de bénévoles dans les clubs, les parents, il faut les comprendre, à un moment, s'ils ont filé 600 euros en début de saison, et qu'en plus, toute l'année, tu vas leur tirer dessus pour leur demander de payer un goûter, de payer un truc, de prendre leur voiture pour amener les gamins. Au bout d'un moment, ça doit tirer. Le tout petit qui vient aujourd'hui faire du... Non, pour les petits, c'est moins cher que ça. Attention. Vous voulez juste... Oui, mais pour l'école de hockey, c'est 16,90 € par mois. Sur 12 mois, d'accord. Donc ça n'a rien à voir. Et heureusement qu'on arrive effectivement... Voilà, on est sur une licence à 180 €. Ouais. Voilà, pour commencer. Et ça, c'est que c'est la bien. Première année. Mais c'est juste pour se dire, voilà, on développe, parce que notre but, c'est de se dire, si on arrive à développer de ne serait-ce que 100 licenciés supplémentaires, on va peut-être réussir à faire baisser la licence, arriver à un moment donné sur toutes les catégories. Donc il est là un peu, quelque part, notre challenge, c'est d'arriver à... Mais comme vous le faites remarquer tout à l'heure, les créneaux horaires, après... C'est la question que je me pose, puisque vous êtes dans la patinoire privée. aujourd'hui, à un moment ou un autre, les élus vont être obligés de se regarder, les élus du département, parce qu'aujourd'hui, le hockey, on parle tous du hockey d'Avignon, mais c'est le premier club du Vaucluse. Le seul. En tout état de cause, au jour d'aujourd'hui, j'ai l'impression que la mairie d'Avignon bouge par rapport à la situation de la patinoire, mais j'ai l'impression, enfin je sais pas, hein, je suis peut-être pas assez proche du dossier, mais j'ai l'impression qu'il y a que la mairie d'Avignon qui se bouge, alors qu'effectivement c'est un équipement qui touche tout le département, voire un peu plus loin des fois. Donc parce qu'on voit les bus qui viennent de un peu de partout, j'allais dire, il n'y a pas que des jeunes d'Avignon qui viennent utiliser cette patinoire, donc tout le monde devrait se sentir un peu plus concerné que ça. Alors je vous le dis, la réunion du conseil départemental, c'est le lundi après-midi à partir de 14h. Si ça vous intéresse, allez foutre le bordel là-bas. Non, alors, c'est pas notre façon de faire. Non, mais c'est pour dire encore une fois, c'est quoi le moyen de s'en sortir avec cette patinoire, parce que le tarif, c'est le propriétaire de la patinoire qui le fixe dans tous les cas. J'imagine qu'il ne doit pas le fixer pour vous ennuyer, mais qu'il doit le fixer en fonction aussi de ses charges et de ses impératifs à lui. Oui, c'est sûr. Même si, on va dire que il est aussi là pour gagner de l'argent. Hein, la patinoire est à lui, il doit la faire tourner et prendre des ronds. Mais à un moment, c'est quoi la solution? C'est quoi la sortie de secours? Bah, de toute façon, il ne faut pas se le cacher. Arrivé à un moment donné, il faudra que ça passe soit municipal, soit dans l'agglo, puisqu'on le voit que, bon, au jour d'aujourd'hui, l'agglo n'a pas la compétence sport, mais ceci étant dit, enfin, on ne voit pas comment ça pourrait se passer autrement. C'est l'une des seules, je crois que c'est, il n'y en a plus que deux maintenant de patinoires en France qui sont privées. Tout le reste, c'est public, donc malheureusement on pourra pas faire autrement. Et puis il faut un ensemble sportif qui puisse accueillir, parce que le basket aujourd'hui, on est encore dans cette salle de Moretti, et quand j'étais jeune j'y allais, quand le volleyball, n'en parlons pas, Mutsen, c'est Mutsen qui s'appelle Mutsen, ouais. Mutsen, le président, je sais pas comment il fait pour rester, il est encore à Saint-Ruf, Champfleury, il y a 40 ans que je rentre dans cette salle, qu'on s'entend pas parler à un maître quand il y a un match. Non, mais c'est, je veux dire, quelque part, aujourd'hui... Le sport avignonnais est une affaire de passionnés. Le sport avignonnais, de manière générale, est une affaire de passionnés, Fred, parce qu'il n'y a pas une dirigeante d'un club avignonnais qui est capable aujourd'hui d'avoir un discours... si tu parles à la présidente de l'Athlé, qu'on a reçue aussi, elle te dit, mon stade d'Athlé, il est pourri. Si tu parles, le seul qui pourrait dire au niveau des installations que c'est à peu près cohérent, non, c'est Fred Bissière. Aujourd'hui, parce que c'est un discours qui est dans le vent. Mais aujourd'hui, on a un problème d'infrastructure. Mais il faudrait que ce soit une infrastructure départementale. Arrêtons de croire que le maire d'Avignon, il peut acheter tout ce qu'il veut. Il ne peut pas. Mais si tout le monde se mettait autour d'une table et qu'on fasse comme un pôle attraction départementale aussi, que tout le monde pourrait venir dedans. À partir de là, je pense que ça peut être réalisable. C'est sûr. J'en suis convaincu. Revenons au sportif, avec Michel Heim qui est là. On va parler un petit peu de cette équipe 1. C'est vrai que les résultats n'étaient pas là. Michel, on repart à zéro. À partir du... Je suis en train de revoir un petit peu le calendrier, puisque je l'avais mis sous mes yeux. Une nouvelle phase, de match. Et c'est un peu, Michel, au niveau sportif. Tu penses que cette fois-ci, Avignon, sont moins dire dans cette nouvelle phase, devant Strasbourg, devant Anir? Il me semble, je me trompe, messieurs? Je pense qu'il faut laisser la parole au président. Il va être plus à même de renseigner les auditeurs. Il a son tableau, le président, sur... Toi qui es hockeyeur, tu les vois jouer, tous ces jeunes, tout ça. Tu penses qu'il... Je pense que la D2 a trois matchs qui sont importants prochainement. Je crois que c'est le 4 mars, le 18 mars et le 1er avril. D'ailleurs, il faudra que énormément de supporters viennent assister à ces matchs pour les encourager. Et c'est un gros défi pour eux. Ils jouent pratiquement leur suite en D2, en Division 2, et donc il faut venir les encourager parce que c'est un challenge pour eux. Ouais, et ça ne va pas être une partie facile. Non, je voulais demander au président quel était le deal. Il faut finir dans les... En fait, il y a quatre équipes et il faut finir dans les deux premiers. Les deux premiers restent en D2, les deux derniers descendent en D3. D'accord. Aujourd'hui, Michel, la force de cette équipe, toi qui es hockeyeur, parce qu'on voit des matchs qui se perdent dans le deuxième ou troisième tiers. Dans le deuxième tiers-temps, excusez-moi. Dans le deuxième, c'est ça, c'est comme c'est un tiers-temps ou... Un tiers-temps. C'est trois tiers-temps d'Avignon. Voilà. Bien souvent, dans le troisième tiers-temps, on voit cette équipe d'Avignon qui est, qui baissent un petit peu les bras. Alors certains, bon, ça c'est que ma parole qui l'engage, on dit souvent que le coaching et le management de l'équipe 1, c'est important dans le hockey. Là, c'est pas un problème de coaching parce que ce coach-là, il y a un truc qu'il sait pas faire, c'est baisser les bras et abandonner, c'est un fou furieux. Qui c'est, excusez-moi messieurs? Ludo Garros, c'est voilà. Donc là, tu peux enlever le problème psychologique, il n'existe pas. En tout cas, pas de la part du staff ou pas. Il n'y a pas de faiblesse là de la part de Ludo. Et quand il rentre sur la glace, tu le vois. S'il pouvait détruire tout le monde, on dirait Sonic quand il rentre sur la glace. Je sais pas, oui, on a tous remarqué qu'il y avait ce problème à la fin du second tiers-temps, souvent. C'est comment on peut l'expliquer ça, à part physiquement du coup? En fait, je pense pas que ce soit tant physique que ça, mais c'est devenu très compliqué parce qu'il faut pas se le cacher. Le niveau de la D2 d'aujourd'hui et le niveau de la D1 d'il y a 5 ans, parce que les championnats se sont durcis. Il y a énormément d'étrangers maintenant, même pour le troisième niveau national français. Donc c'est là où le bas blesse, puisqu'on fait plus de la formation pour nos jeunes français. Donc c'est un peu dommage. Mais ça, on aura l'occasion d'y revenir, puisque je travaille sur une commission jeune à la fédération. Donc on travaille énormément là-dessus. Mais en fait, ça a très mal débuté. La patinoire est tombée en panne dès le début du championnat. Pendant un mois, il a fallu qu'on court, qu'on roule surtout, pour aller à d'autres patinoires à plus d'une heure de route, et des fois rentrer à 2h du matin, alors que les gars travaillent le lendemain matin à 6h. Ça a très mal débuté. On a une équipe sur le papier qui est nettement meilleure que l'année dernière, beaucoup plus homogène. Et ça n'a pas pris. Je pense que c'est vraiment dû à ce démarrage de championnat qui a été hyper compliqué. Et puis, assez rapidement, du coup, on se retrouve dans une spirale qui nous entraîne vers le bas, psychologiquement parlant. Et c'est vrai que c'est pas bon. On sait qu'on avait des joueurs pour lesquels c'était leur dernière saison. Donc, ils disent, mince, terminer comme ça sur une saison qui se passe pas bien, tout ça. Il y a plein de choses qui se passent, dans la tête d'un joueur. Et puis, Ludo, même avec sa rage et tout ça, arrive à un moment donné. Il n'arrive plus à compenser. Il a même remis les patins pour essayer de. Ouais, déjà l'an dernier. Ouais. Mais voilà, ça c'est mal goupillé. La mayonnaise n'a pas pris. Et on a beau essayer de chercher des explications, maintenant c'est plus le temps de chercher des explications de toute façon. C'est comme ça. C'est dommage. C'est dommage surtout pour le spectacle, parce que à la patinoire, malgré les purs et durs qui restent, les supporters et tout ça, on a bien vu qu'il y a eu une petite désaffection quand même, et qui est un peu dommage, parce que au contraire, les joueurs avaient besoin de se sentir encore plus supportés au moment où ça allait pas bien, quoi. Est-ce que le fait de démarrer justement une nouvelle compétition là, aujourd'hui, ça peut pas être de nature... On sait par exemple dans certains sports que lorsqu'on démarre une nouvelle compétition, au rugby par exemple, même si on a fini un peu en roue libre et qu'on a réussi à se qualifier de justesse, choper le dernier wagon de justesse, des fois le simple fait d'attaquer une nouvelle compétition peut permettre de remobiliser les troupes et... Ça peut être un déclic. Est-ce qu'aujourd'hui dans le hockey, juste excusez-moi monsieur, parce que j'ai encore une idée là, est-ce que dans le hockey, quand on est entraîneur, on a des diplômes à passer, comme dans le football, comme dans le... Ah bien sûr, ils ont des formations de toute façon, puisqu'on est un club où de toute façon on passe notre temps à former les entraîneurs. Donc c'est notre credo, il faut absolument des gens compétents à chaque poste. Et pourquoi je suis un petit peu médisant, non, médisant sur ce sujet-là, c'est parce que le fameux Luciano aujourd'hui, qui est entraîneur de Gap, était à Lyon. Il part d'ailleurs de Gap, il a annoncé son départ. Oui, tout à fait. Oui, non, mais bon, parce que moi je l'ai vu coacher, il a eu la chance, grâce à notre ami Michel, d'être souvent derrière lui, et je vois de la façon qu'il coach, c'est quand même quelque chose de particulier le hockey. Particulier, c'est un très bon meneur d'hommes, on ne va pas se le cacher, mais il a aussi un outil qui n'est pas le même que le nôtre. D'accord, mais je pense quand même que le placement sur la glace, sur le changement de joueur, parce que. Des fois, je vais être. Mais c'est vrai qu'on voit une belle équipe d'Avignon dans le premier, deuxième tiers-temps. Et après, ça se dérègle un petit peu. Alors l'entraîneur revient sur la glace. Et vous savez, Luciano, il a mis combien d'années à réussir? Il est resté combien d'années à Briançon avant de réussir? Oui, non, c'est clair, bien sûr. Même si maintenant, effectivement, il a la réussite, le club de Briançon, il doit Il a la réussite avec aussi pas mal de budget. Non, mais je parle de peut-être un gros entraîneur pour lui. Non, Michel. Faites un chèque. Je pense que... Il a dit aussi, là, il n'y a pas si longtemps que ça, Luciano, il était sur le France le dimanche. Il a dit que toutes les patinoires de France ont tous le même problème, c'est qu'il y a les hockeyeurs, il y a toutes les catégories d'hockeyeurs, et il y en a beaucoup. Il y a le patinage artistique qui vient se greffer là-dessus aussi. Et il y a en plus les séances publiques. Et là-dessus, il faut que les équipes elles arrivent à avoir des créneaux horaires, s'entraîner pour essayer d'acquérir des niveaux. Quand vous avez un Luciano qui arrive, qui a une ligne Magnus et qui arrive à avoir un budget, on ne va pas critiquer la patinoire d'Avignon parce qu'on a quand même la chance d'en avoir une. Oui. Il y a beaucoup de départements qui n'en ont pas. On peut rendre hommage à M. Marchenet-Père, qui est fondateur de cette patinoire. Mais il faut dire que quand vous avez un budget colossal et que vous avez des joueurs qui viennent de... Ben même s'ils arrivent qu'ils sont très bons, il faut qu'ils arrivent à jouer ensemble, qu'ils arrivent à se connaître. Il faut qu'ils arrivent à avoir des automatismes. Et on voit que M. Luciano Basile, même s'il a été très bon, ben il a mis un certain nombre d'années à faire que son équipe soit la meilleure. Donc ça ne se fait pas comme ça. Il faut que les joueurs arrivent, se connaissent. Quand c'est les joueurs qui arrivent de l'extérieur, ils n'ont peut-être pas les mêmes techniques qu'à Avignon. Donc il faut qu'ils arrivent à s'entendre. Pour peu que vous commenciez un petit peu la saison un peu en retard, le moral en prend un coup, vous courez de partout. Et si vous perdez un petit peu un ou deux matchs, eh ben, vous êtes moins sûr de vous, le moindre écart, vous êtes très bon le premier, deuxième, tertemps, vous prenez un ou deux buts d'affilée au troisième, et après la machine un peu se dérègle, mais on ne peut pas en vouloir aux joueurs d'Avignon, qui se lèvent tous les matins pour travailler, qui s'entraînent le soir, qui font les déplacements les week-ends, etc. Ce ne sont pas des pros. Combien de séances par semaine, du coup, là-dedans? Merci Michel. Trois séances. Ouais. Non, merci Michel de nous rappeler un petit peu tout ça, de nous remettre un petit peu les choses en place. Et c'est vrai que quand on loue une patinoire et tout, c'est jamais évident, entre tout, hein, pour trouver ces créneaux horaires. Et si on avait une patinoire privée, ça serait beaucoup plus facile. Mais, public, oui, la patinoire. Public. Ouais. Oui, mais non, mais une patinoire privée qui appartiendrait juste au club. Au club. Ils en rêvent. Je pense qu'ils en rêvent. Allez, on passe à la pub, on revient. Allez, on revient avec le hockey club d'Avignon, les fameux Castors. On parlait bien sûr de cette équipe 1 qu'on a envie de voir briller. Président, on va y rester un des deux pour la vitrine du club. Ben ça, de toute façon, on verra bien les résultats. Hein, on n'a plus trop le choix maintenant. Moi, je dis simplement qu'on demande à nos supporters d'être présents. Il y a 3 matchs à domicile. Le 4 mars contre Asnières, le 18 mars contre Strasbourg et le 1er avril, c'est pas un poisson, hein, contre Toulouse. Donc, soyez vraiment très, très présents. Faites du bruit à la patinoire pour remercier tous ces joueurs qui se défoncent à l'entraînement et en match pour offrir le meilleur spectacle possible. Alors, comment ça s'organise le match de hockey? Est-ce qu'il y a quelque chose? Il y en avait en première. Est-ce qu'on voit l'école de hockey? Parce que ça va être un petit peu des matchs de gala, ça. Bah, ça dépend. Avec un repas, je sais pas. Parce que bon, bien souvent, des clubs, on fait un petit repas après le match ou avant le match. Je sais pas. Voilà, je donne des animations pour dire aux gens, venez. Il y a des animations effectivement qui sont créées. On a la chance d'avoir un bar juste au-dessus de la glace, donc il y a beaucoup de gens qui viennent se restaurer en regardant le match en même temps. Mais surtout, on essaye de faire des animations toujours avec les moyens que l'on a, parce que ben on en est toujours au même problème. Mais les animations passent aussi souvent par des prestations des tout petits qui viennent faire des démonstrations avant le match, pendant les tiers et tout. Donc ça passe par là, et c'est vrai que c'est sympa à voir, quoi, parce que des tout petits bouts de chou là de 3-4 ans qui arrivent déjà à faire des choses sur la glace, c'est quand même juste magique, quoi. Brigitte, le travail de Brigitte au sein du club, c'est quoi? C'est tout, c'est maman, tâche, en général. C'est l'infirmière, c'est elle qui lave les maillots, c'est elle qui ouvre la patinoire lors des matchs. C'est non, ça, je lave pas les maillots, j'essaie de m'occuper des petits. D'accord. Le dimanche soir, je suis avec mes petits. C'est eux qui me redonnent de l'oxygène pour la semaine. Après, ben, je m'occupe des dirigeants, je m'occupe des licences, je m'occupe de plein de choses. Après, pour les matchs, alors, il y avait une chose pour les matchs, vous demandez l'organisation. Donc, quand il y a un match de D2, Donc il y a la sécurité obligatoire, avec que des bénévoles. Et c'est Michel pas tous les. Oui, bien entendu. On a une équipe de bénévoles qui est géniale, franchement, en sécurité super ouais, non, top. Après, nous avons obligation d'avoir une table de marque. Une table de marque, c'est eux qui marquent les buts, tout ça. Donc ouais, il y a déjà. Voilà. Là, il y a des prisons, tout ça. Il y a déjà trois personnes. Donc. Après, nous avons. Alors, je m'arrête juste là. Ouais. Les trois personnes sont payées par le club, là aussi. Bénévoles. Non, c'est que les bénévoles. Bénévoles. Parce qu'on connaît un petit peu la problématique des autres sports. Je crois qu'on va enlever l'idée de payer à ce niveau-là. Et après, nous avons obligation d'avoir un médecin, d'accord, qui normalement, on devrait payer, et qui, jusqu'à maintenant, on essaie d'en trouver des gratuits, parce qu'on n'a pas les moyens de payer le médecin. Non, oui. Donc, on se bat pour tous les matchs. D'ailleurs, si des médecins nous écoutent et qui peuvent venir pour ces matchs, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de souci. Donc là, c'est pareil, on se bat pour trouver des médecins gratuitement. En fait, on se bat pour tout, pour essayer d'économiser quelque chose. Parce qu'après, on est les arbitres que nous payons malheureusement. Ah, voilà, qui nous coûtent, bon, pour eux, ça revient peut-être pas cher, pour nous, très cher, parce que ça dépend d'où ils viennent. Donc, c'est-à-dire, je peux avoir des matchs qui vont nous. On va payer les arbitres, trois arbitres, 600 euros, comme trois arbitres, je peux tomber à 2000 euros. Voilà. Et sur ce, nous payons la glace aussi. C'est énorme. Et quand on fait payer 7 euros l'entrée, et qu'il y en a qui essaient de ne pas payer les 7 euros parce qu'ils trouvent que c'est énorme, je le comprends très bien. Sauf que les entrées ne me couvrent pas du tout le match, mais loin de là. Voilà. Donc, c'était juste pour remettre un petit peu les choses. Voilà. Je retiendrai qu'une belle phrase, Brigitte. Oui. Le dimanche soir, je suis avec mes petits, qui me redonnent envie. Le dimanche soir. C'est ça. C'est le dimanche soir, l'entraînement des tout-petits. Ouais, c'est ça. Alors, vous imaginez un petit peu la planche horaire. Le dimanche soir, après que toute la journée, il y a eu des. Alors ça veut dire que les parents sont allés, il y a eu des visiteurs toute la journée qui ont patiné, et après c'est la place aux tout petits. Et après, aux loisirs. Parce qu'après les tout petits, il y a les loisirs aussi. Michel, tu as fait partie des loisirs ? Eh oui. C'est toi qui. Je viens m'entraîner à partir de 19h et jusqu'à 20h30. Et après, il y a encore d'autres loisirs qui viennent. Donc effectivement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Les créneaux horaires de la patinoire, quelle que soit la patinoire. C'est pratiquement sur 8 mois. Et tous les jours, c'est des horaires assez imposants. Donc du coup, pour trouver des heures de glace libres pour la D2, pour qu'ils puissent par exemple s'entraîner davantage, c'est très très compliqué. Alors moi, ce que je vous souhaite, c'est surtout de connaître mieux ce club à travers ce site dont on a ouvert sur le web, HCA Les Castors d'Avignon. Alors là, par contre, je trouve que le site est à jour, puisque tout à l'heure on parlait des matchs, ils sont déjà affichés, il y a l'équipe 1, il y a notre emblème, on est très heureux ce soir de vous avoir, et la réactivité a été énorme, puisque j'ai vu que Fly FM a été mis en avant. Qui c'est qui gère ce site, Laurent? Alors on est plusieurs personnes à tenter de le faire, parce que là aussi c'est un peu compliqué effectivement à mettre en place, mais on essaye de le rendre le plus vivant possible, même si on pourrait toujours faire mieux, mais on essaye de mettre le plus d'informations possible pour que les internautes puissent suivre un petit peu les animations que l'on a tout au long de l'année. Les saisons de hockey sont parallèles aux autres sports d'équipe ou c'est totalement différent ? C'est un peu différent. On débute. Alors nous, on aimerait débuter vraiment début août, comme tous les clubs, sauf que la glace ne fonctionne pas à ce moment-là. Donc encore une fois, on est mal loti, puisqu'on débute sur la glace et quasiment une semaine après, on commence le championnat. Donc c'est compliqué. Mais voilà, et ça se termine en grosso modo au fin de milieu du mois d'avril pour la compétition et pour les jeunes un peu plus loin, mais en grosso modo fin avril c'est fini quoi. Après il y a des tournois qui se créent, mais voilà. Ah, c'est déjà pas mal, c'est une belle saison. La mairie est toujours partie très prenante derrière le hockey, parce qu'on a besoin aussi de savoir les municipalités si elles sont à fond derrière leur, on va dire, des associations comme vous qui. Après, plus de 300 licenciés, on peut dire, qui est presque numéro un, quoi. Ben là, au jour d'aujourd'hui, ils sont très préoccupés par le devenir de la patinoire. C'est surtout ça la principale préoccupation. Donc, il y a des dates là qui arrivent qui vont être très, très importantes. Mais alors on pourrait toujours estimer qu'ils ne nous suivent pas assez, hein, mais ça, c'est le président et la trésorière qui pourraient le dire. Mais bon, c'est vrai qu'ils essayent de faire avec les moyens qu'ils ont, et c'est je pense que c'est pas évident non plus. Nous on défend notre beefsteak, c'est naturel, mais je pense que de leur côté c'est pas tous les jours simple. Voilà. Michel, un dernier mot avec toi parce qu'on va terminer cette émission. Le hockey à l'Avignon, c'est quelque chose pour toi qui est indispensable. Oui, venir. Eh bien, je dis à tous les joueurs de hockey qui vont défendre les derniers matchs de D2, bon courage à vous tous, et vous avez bien travaillé toute la saison de hockey. Merci à vous. Brigitte, on va terminer avec vous, Brigitte Roux. Pour vous, le hockey à l'Avignon. C'est génial. Hein. Voilà. Quel est votre plus beau... Votre plus belle réussite depuis que vous êtes arrivé au club là. Ma plus belle réussite, les enfants. Voilà, c'est ça. Petit dimanche au soir, les retrouver sur la patinoire. Voilà, c'est le mieux. Quand ils sont habillés avec leur petit casque et leur petit protège. Alors juste un dernier mot quand même, si je peux me permettre, parce que c'est quand même hyper important. Oui. Michel en a parlé tout à l'heure, mais les résultats de nos U17 élite cette année en championnat de France quand même, parce qu'ils sont classés 4e au niveau des points au niveau national, ce qui ne s'est jamais produit à Avignon. Et c'est surtout qu'ils vont faire une double confrontation contre Anglette, qui est un club qui est nettement au-dessus de nous en temps normal. Mais on est fiers que cette équipe qui n'a pas perdu un seul match, si un contre Caen, une petite erreur de parcours, mais ils n'ont eu que des victoires tout au long de la saison, et ça c'est remarquable. Le futur, c'est le futur, c'est l'avenir du club. On a un directeur sportif, Grégory Bapaume, qui s'est défoncé pour leur créer une âme de jeu à cette équipe là parce que individuellement ils sont pas forcément tous très forts, mais par contre il s'est créé une âme, et c'est beau à venir les voir. Je vous encourage à venir voir pas que des matchs de l'équipe première, mais aussi ces matchs de U17, parce que sincèrement c'est très beau à voir. Merci. 40 minutes, on a parlé d'hockey, on aurait pu en parler 2 heures tellement on s'est régalé. Merci Laurent, le président. Merci Brigitte Roux. Merci Michel Haïm, que vous retrouverez bien sûr si vous allez à la patinoire. Il fait partie de la sécurité. Jean-Yves, on a tout dit ? Ouais, on a tout dit. J'y serai sûrement aussi lors des prochains matchs, comme d'hab. Bye bye, à très bientôt la semaine prochaine. Merci. Bien sûr, on recevra notre ami Eric Fagot. Eric Fagot, ça fait. Ce programme sportif vous a été offert par le groupe Béduci, votre spécialiste sanitaire, plomberie, chauffage, présent sur 12 points de vente dans la région. Plus d'infos, www.beduci.fr.